Comment se seraient déroulés les nombreux voyages de l'apôtre Paul sans la présence de compagnons à toute épreuve, comme Aristarque de Salonique, qui l'a suivi jusqu'en captivité à Rome? Il faudrait aussi rappeler Silas, cet homme qui a tout quitté pour suivre Paul, ou Jean-Marc, le disciple anciennement rétrograde, mais qui est redevenu utile au moment où Paul en avait le plus besoin. Et peut-être n'avez-vous pas oublié, chers amis à l'écoute, le dévouement sans borne d'un Épaphrodite ou d'un Onésiphore, qui ont apporté à l'apôtre en prison les témoignages d'affection des chrétiens de Philippe et d'Éphèse. Vous avez peut-être été impressionné par l'exemple de ce couple d'artisans, Aquilas et Priscille, qui ont reçu les croyants dans leur maison et ont été employés par le Seigneur pour la fondation des églises de Corinthe, d'Éphèse et de Rome. Et le temps me manque pour évoquer Luc, le médecin, Tychique et Tite, les commissionnaires des missions délicates, ou pour rappeler le contraste entre Apollos, le discoureur éloquent, et Apelles, le chrétien éprouvé, demeuré fidèle. Et le tableau d'honneur des compagnons de Paul serait bien incomplet sans les nombreux témoins inconnus, les uns anonymes, les autres dont le texte biblique ne rapporte que les noms, mais qui, comme les rouages d'un mécanisme, ont tous été indispensables dans cette grande entreprise de la propagation de l'Évangile au premier siècle. Dans cette énumération des collaborateurs de Paul, qui ne doit pas être considérée comme exhaustive, gardons pour la fin Timothée, celui en qui Paul a vu son successeur et son héritier spirituel. Dès son enfance, Timothée a bénéficié de l'influence d'une mère et d'une grand-mère profondément croyantes. L'apôtre le rappelle lorsqu'il écrit tout à la fin de sa vie à Timothée « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita tout d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » De Timothée chapitre 1, verset 5, et plus loin. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. » De Timothée 3, verset 15. Timothée avait donc grandi dans une atmosphère chrétienne. Il habitait l'Istre, en Asie mineure. C'était l'endroit où l'apôtre Paul avait failli perdre la vie lorsque les Juifs l'avaient lapidé. Le livre des Actes des Apôtres raconte brièvement cet épisode, Actes 14, versets 19 et 20. « Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. » Peut-être que Timothée était du nombre des disciples qui ont entouré l'apôtre de soins en cette occasion mémorable. Il donnait déjà alors des preuves de consécration, puisque lors du retour de Paul à l'Istre, quelque temps après, nous lisons à son sujet. « Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Les frères de l'Istre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. » Acte 16, versets 1 à 3. Et c'est ainsi que Timothée est devenu compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il est sans doute entré progressivement dans les charges du ministère, mais le moment est venu où son nom a figuré à côté de celui de Paul, à l'entête de certaines épîtres. Toutefois, avant que Timothée n'exerce un ministère public, il avait fallu qu'il donne des preuves de consécration dans le privé, et ces preuves, il les a données au moment où d'autres chrétiens se sont détournés de l'apôtre Paul pour rechercher leurs propres intérêts. Timothée n'a pas seulement montré des marques d'attachement à l'apôtre, mais des indices d'une consécration sans réserve au Seigneur, aux côtés de l'apôtre. Paul fait allusion à cette expérience lorsqu'il écrit aux Philippiens, de sa prison de Rome. « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sérieusement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Philippiens 2, versets 20 à 22. N'est-il pas touchant ce témoignage d'un père spirituel à l'égard de son enfant dans la foi? Ce fils n'a pas suivi l'exemple de la majorité en recherchant des considérations égoïstes, mais il s'est consacré au service de l'Évangile avec Paul comme un enfant avec son père. C'est probablement à cette attitude que Paul fait allusion lorsqu'il écrit à Timothée « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » 2 Timothée 3, versets 10 et 11. En vivant avec l'apôtre, Timothée a appris de lui, et le jour est venu où Paul a pu dire au sujet de Timothée « Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » 1 Corinthiens 16, verset 10. Et si Timothée a travaillé comme Paul, c'était parce qu'il a souffert aux côtés de Paul. Mais lorsque l'apôtre adresse à Timothée ses ultimes instructions, il pressent que son jeune disciple aura encore à souffrir dans son service pour le Seigneur. C'est pourquoi il écrit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » 2 Timothée 2, verset 3. Dans les dernières années de sa vie, Paul a concentré toute son attention sur Timothée, car il a discerné en lui son héritier sur le plan de la vocation et son successeur dans la charge pastorale des églises. Aussi, la deuxième épître de Paul à Timothée peut-elle être considérée comme le testament spirituel de l'apôtre. C'est un récit pathétique où Paul ouvre son cœur, il fait part de ses dernières volontés, tout en rappelant les diverses étapes de la formation de Timothée. Avant de devenir un ouvrier éprouvé, 2 Timothée 2, verset 15, et un évangéliste, 2 Timothée 4, verset 5, il a fallu que Timothée accepte d'être discipliné comme un soldat, endurant comme un athlète et patient comme un laboureur. Nous lisons en 2 Timothée 2, verset 4 à 6. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à récolter les fruits. » En lisant ces mots, je pense à chacun de vous, chers auditeurs, que Dieu appelle à être des compagnons d'œuvre pour la propagation de l'Évangile. Avez-vous accepté d'être mobilisé comme un soldat de Christ qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, quand celle-ci l'empêche de suivre le Seigneur, et cela parce qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé? Combattez-vous suivant les règles, comme l'athlète qui au stade n'ambitionne rien de moins que la couronne du vainqueur? Y êtes-vous rempli de l'espérance du laboureur qui n'épargne pas sa peine, parce qu'il regarde déjà aux fruits de la prochaine saison? Soldat, athlète, laboureur, telle est la formation, telles sont les disciplines qui feront de vous un ouvrier éprouvé sur qui Dieu peut compter. Ou un évangéliste qui insiste, en toute occasion, favorable ou non, en supportant les souffrances et en remplissant bien son ministère. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a besoin plus que jamais de véritables compagnons d'œuvre dans le service du Seigneur. Si nous acceptons ce programme de vie, l'exhortation de Paul adressée à Timothée nous concerne directement. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 9. Que de nouveaux témoins se lèvent pour Jésus-Christ pendant le temps qu'il nous donne encore de le servir avant son prochain retour.